Bonjour et bienvenue dans Exquise Esquisse, spécialement dédiée aujourd'hui à la journée de lutte des violences faites aux femmes. Pourquoi ? Parce que le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pourquoi le 25 novembre ? Alors, aucun rapport avec la Sainte-Catherine. En fait, c'est le jour du meurtre des sœurs Mirabal en 1960 en République dominicaine, assassinée par le dictateur Rafael Trujillo, parce que, en fait, une des sœurs avait refusé ses avances. Et c'est en 1999 que l'Assemblée générale des Nations unies proclame le 25 novembre comme la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Déjà 26 ans, j'ai envie de dire malheureusement. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir une autrice, Caroline Lambert, qui a écrit sous son nom de plume « Soline Loiseau », au risque de basculer et qui vient d'être publiée aux éditions « L'écharpe d'Iris ». Caroline Lambert est très impliquée dans les questions sociétales relatives aux femmes et dans la réflexion autour de la maternité. Bonjour Caroline. Bonjour Catherine. Caroline, vous venez donc de publier « Au risque de basculer », qui est un roman social féministe. Et j'aimerais que vous nous disiez, bien, qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire ce livre ? Eh bien, tout d'abord, j'ai voulu témoigner d'une expérience marquante dans ma carrière de psychologue, dans un foyer de jeunes mères de 16-25 ans, qui étaient là avec leurs jeunes enfants, et j'y ai travaillé pendant 3 ans. Par ailleurs, j'ai voulu aussi témoigner de l'épuisement maternel que connaissent une grande partie des femmes qui ont des enfants, et qui sont confrontées à pas mal de solitude souvent. Et enfin, j'ai voulu parler de la sororité. Je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui dans ce contexte, où l'isolement est le fléau principal dans la question des violences conjugales, car les jeunes femmes n'arrivent plus à trouver de perche à les saisir quand elles coupent tous les liens autour d'elles. Donc dans ce roman, je parle beaucoup d'amitié, de sororité, qui permettent à chacune de remonter la pente, d'où qu'elles viennent. D'accord, alors vous avez fréquenté ces jeunes mères. Oui. Ce sont des jeunes femmes donc, oui, qui sont abandonnées par leur famille ou qui ont subi des violences. Quelles sont ces jeunes femmes qui se retrouvent en foyer finalement ? Oui, il y a des parcours très différents. Il y a en effet des jeunes femmes qui sont en rupture avec leur famille, d'autres qui arrivent dans le foyer en situation d'urgence qui sont victimes de violences conjugales, situation aiguë et qui ont besoin d'un toit pour les accueillir avec leur enfant, d'autres qui sont enceintes et qui sont en situation précaire sociale, à la rue ou en squat ou hébergées comme ça de manière temporaire. Et puis, il y a aussi des jeunes femmes qui ont des parcours migratoires compliqués, bien sûr, et qui, pareil, ont besoin d'un toit, ont besoin de soutien. D'accord. Et donc, vous intervenez dans ces foyers pour les aider à s'en sortir, en fait. Oui, c'est d'une part un toit et aussi un suivi éducatif et un accompagnement dans leur maternité, dans les premiers pas, en fait, parfois. Des femmes qui ont plusieurs enfants aussi, mais pour celles qui démarrent, les aider à être soutenues dans les premiers pas de mère. D'accord. Et donc, votre livre parle d'héroïnes qui sont, ou d'une héroïne qui sont dans un foyer ? Alors, j'ai voulu entremêler plusieurs destins. Les destins de Léa, qui est éducatrice dans ce foyer, et qui essaye de mener tant bien que mal sa vie de jeune femme, de couple, de mère, et aussi professionnelle. Et bien sûr, ce n'est pas sans écho avec du coup les parcours des jeunes femmes qu'elle rencontre. Ça fait écho aussi à sa fragilité à elle. J'ai voulu appuyer du coup sur la vulnérabilité psychique de toutes les jeunes femmes, qu'elles soient en situation compliquée ou parfois un peu plus stable. Il n'empêche, c'est un moment très très délicat. Quand on devient maman, vous voulez dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc Léa a d'autres amis, deux amis proches, avec qui parfois les liens sont un petit peu distendus. Elle va retrouver une amie qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, qui a été silencieuse, et on apprendra voilà, les raisons pour lesquelles elle s'est isolée. Et parallèlement à tout ça, on va suivre principalement 2 jeunes femmes dans le foyer, qui avanceront aussi à leur manière. Donc voilà, ça fait on va dire 5 profils de jeunes femmes qu'on voit évoluer tout au long du roman. D'accord, et qui sont mamans ? Pas toutes. Pas toutes. D'accord, donc 5 personnages avec une histoire particulière qui vont se croiser donc dans ce roman. Oui. Et qui vous ont inspiré avec ce que vous vivez au quotidien finalement. C'est ça, c'est ça. Oui. Je rappelle par contre que c'est une fiction, voilà, c'est inspiré de cette expérience, mais Oui, ça sert quand même de témoignage, quoi. Voilà, voilà. Mais j'ai vraiment cherché à être le plus respectueuse possible, voilà, de toutes les histoires, de toute façon, de chaque personne que je peux croiser dans ma vie professionnelle, qui reste bien sûr confidentielle. Donc, c'est inspiré. Alors donc, vous avez écrit ce livre sur le thème de la femme, de la maternité, mais alors dans quel style ? Mais j'ai essayé de parler donc de sujets quand même sérieux, graves, mais avec légèreté. Un des fils conducteurs va être le lien très fort d'amitié de ces trois jeunes femmes, qui étaient en fait des amies d'adolescence. Et donc le roman va être ponctué de flashbacks où ces trois jeunes femmes revivent leur adolescence, c'est ça. Des scènes d'adolescence, c'est ça. Donc c'est assez vivant et assez léger parce que l'adolescence, c'est le rire, c'est le d'être décalé de les amitiés fusionnelles, leurs projections, leurs rêves. Et voilà, ça amène de la légèreté, je trouve. Et puis, c'est un lien qui reste après dans les épreuves. Pour moi, c'est très important, les liens de longue date. Oui, souvent, on a plus tendance peut-être à s'appuyer sur des amis de longue date qu'on a connus pendant notre jeunesse. Oui, parce que parfois, les routes après, voilà, prennent des chemins différents, mais tout de même, on pardonne, on accepte beaucoup plus à des amis de longue date et on comprend. On comprend parfois ce que d'autres personnes qui connaissent dans l'actualité des choix compliqués ont du mal à saisir. Alors donc, ces trois amies se retrouvent et elles ne vivent peut-être pas ce qu'elles avaient prévu pendant leur adolescence. Et ça, c'est tout le mystère de l'être humain. Oui, entre les rêves, les projections et la réalité et ses propres ambivalences, chaque sujet est confronté à ses contradictions et parfois c'est impossible de l'expliquer aux autres, aux proches. Et c'est ça qu'on trouve aussi dans les situations de victimes de violences conjugales. Elles ne peuvent pas vraiment se dire à elles-mêmes, affirmer le choix qu'elles font, parce que c'est quelque chose qui est plus fort que soi parfois, de rester, d'être dans la honte, de pas comprendre ce qui nous arrive. Et ça, c'est important de le saisir pour toutes les personnes qui ont des proches qui s'isolent. C'est la honte de pouvoir nommer cette ambivalence-là, en fait. Donc vous pensez que les personnes qui se font violenter, en fait, ressentent une certaine honte, enfin certaines personnes, et elles n'arrivent pas à en parler? Oui, bien sûr. C'est une situation très compliqué, surtout quand il y a des enfants qu'il faut protéger. C'est une culpabilité énorme. Elles ont peur aussi, donc. Il y a la peur, il y a la honte, et il y a l'inquiétude, évidemment, de savoir où on va aller, ce qu'on va devenir. C'est des situations de grande détresse. Et de parler, il va peut-être avoir des personnes qui vont dire « je te l'avais dit ». C'était pas un bon choix. Enfin, il faut faire face, en fait, au regard des autres, des proches, des parents, des voisins, etc. Tout ça, c'est très difficile. Oui, oui, qui parfois, en fait, quand ils disent « je te l'avais dit », ben, ils sont plus accusateurs qu'aidants, finalement. C'est ça. Ouais. La question de pourquoi vous n'êtes pas parti avant, pourquoi vous êtes déjà revenu trois fois. Mais tout ça, c'est pas des chemins si simples. On travaille avec la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, Asclepios. Je suis référente violence conjugale et on travaille avec les professionnels de santé du territoire pour mieux détecter les victimes de violences conjugales. Et donc, c'est comment leur ouvrir la porte pour qu'elles ne se sentent pas jugées dans leur situation, qu'elles osent parler tout simplement pour pouvoir commencer à ouvrir une porte et à saisir une perche. Oui, qu'elles ne se sentent pas jugées et qu'elles ne se sentent pas en danger aussi de parler, j'imagine. Oui. Aujourd'hui, il y a des associations très engagées et très efficientes sur le territoire qui sont là pour accueillir les professionnels, pour les mettre à l'abri. Il existe des dispositifs d'urgence pour aider les femmes en situation de grande vulnérabilité et les situations d'urgence. Alors, comment ça se passe quand une femme, malheureusement, subit des violences ? Mais soit elle a déjà fait un chemin, en fait, qui fait qu'elle est capable de demander de l'aide, ce qui est vraiment difficile, mais elle peut se saisir, voilà, d'une consultation avec son médecin généraliste, aller voir les associations spécialisées dans les victimes de violences conjugales, accompagnement des victimes de violences, comme France Victimes ou le CIDFF, par exemple, ou la Maison des Femmes, et qui ont vraiment les professionnels adéquats pour l'aider au niveau économique, social, psychologique, juridique. C'est vraiment un accompagnement assez lourd, accompagné aussi dans une plainte, ce qui n'est pas du tout simple à faire. Donc tout ça, il y a du soutien, oui, si vous voulez. Il y a des organismes qui sont là pour aider. Il y a du soutien possible. Et il y a l'autre situation, c'est l'isolement. C'est la situation où la personne ne peut pas le dire. mais peut-être les coups ou même le comportement va être perçu par un soignant. Et c'est là qu'on travaille avec la CPTS pour que les professionnels de santé soient le plus au fait, en fait, de ces signes qui sont parfois silencieux, mais qui peuvent être détectés. C'est ouvrir la parole pour que la personne se sente en confiance et à son rythme puisse évoluer et se libérer, quoi. Et entreprendre des démarches pour tout simplement comprendre que la violence est tout simplement interdite par la loi. D'accord. Et je crois que dans votre livre, vous avez un personnage comme ça. Oui, bah, je ne peux pas en dire trop parce que sinon on n'a plus envie de lire le livre. Mais en effet, il y a un personnage qui est particulièrement silencieux et voilà, qui ne pourra pas dire en fait les choses. Donc on va les apprendre au fur et à mesure, notamment par les flashbacks et par certaines images qui vont lui revenir un petit peu ce qu'elle a vécu. Alors ce livre, où peut-on le trouver, Caroline? Dans toute librairie, sur commande. Vous pourrez le trouver dans toute librairie. D'accord. Et donc, je vous reçois également parce que le 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et je sais que vous êtes très impliquée. Et le 25 novembre, donc, il y aura des événements. Alors, peut-on savoir quels événements il va y avoir ou en tout cas, où peut-on se renseigner? Oui, il y a de nombreux événements qui se situent. Donc, on travaille du coup sur les deux départements, le 37 et le 41. Il y a de nombreuses expositions, projections, rencontres, des spectacles, des concerts, débats. Vous pourrez trouver tout le programme sur la ville de Tours, sur la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, et également la ville de Blois sur le site, vous pouvez taper VSS, et vous aurez tout le programme intégral de tout ce qui est programmé pour le 25 novembre. Merci Caroline. Alors, maintenant, on va faire une petite pause musicale. Et alors, j'aimerais savoir quelle chanson vous aimeriez écouter ou vous aimeriez partager avec nos auditeurs. J'aimerais bien écouter « Je t'accuse » de Suzanne, qui me semble assez adaptée au contexte. On l'écoute. D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis à moi aussi, et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir, des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes? Car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse, c'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse. T'es où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir, des tonnes de vie classées sans suite. Mais tu vas rien faire. Toi, où faudrait faire nous-mêmes? Car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse, c'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse. Pour celles qui avaient prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume. et je vous retrouve sur Radioactive en compagnie de Caroline Lambert, autrice de « Au risque de basculer ». Alors maintenant, Caroline, nous allons parler plus particulièrement de vous. Vous vous battez pour le bien-être des femmes, j'imagine que vous faites en sorte d'être bien. Et alors, Caroline, quelle est votre journée idéale? Ah, la journée idéale. En semaine. Peu importe. Une journée idéale, pour moi, c'est une journée où il y a du mouvement, où il y a des rencontres, où il y a des couleurs. J'aime bien me déplacer et j'aime bien que ce soit varié. Une journée comme aujourd'hui, c'est une journée plutôt idéale, avec un groupe de travail avec des collègues, un groupe de supervision, avec votre rencontre aujourd'hui qui m'intéresse, et puis des consultations aussi par la suite, avec du temps pour respirer aussi entre, un petit peu d'écriture. Ça, c'est pour moi, c'est une bonne journée. D'accord, oui, donc partage avec d'autres. Aide aussi dans les consultations, nouvelles rencontres et l'écriture. Vous écrivez tous les jours? Ce serait bien. Alors, dans Exquise Esquisse, j'ai un petit jeu, c'est-à-dire que je vais prendre les lettres de votre prénom et vous allez me dire quelle qualité vous pensez avoir ou qu'est-ce que vous inspire cette lettre. D'accord? Alors, donc, c'est Caroline, votre prénom. Donc, c'est comme... Consciencieuse. A comme? Amitié. R comme? Râleuse. Ah, vous êtes râleuse. Oh, un peu. O comme? Ouverte. L comme? Littérature. I comme? Intriguée. N comme? Nomade. Vous aimez bien voyager, vous balader. Oui. Et E comme? Effrontée, un peu. Ah oui, vous êtes effrontée. Moins en moins avec l'âge, quand même. Et qu'est-ce qui vous met en colère, Caroline? Ce qui me met en colère, c'est les licornes. Les licornes? Oui, les licornes. Je n'ai vraiment assez des licornes. J'aimerais tellement qu'on puisse offrir aux petites filles des kits de dessin, de quoi bricoler, des punching balls. Ça me ferait vraiment plaisir. Pour Noël. Si on peut penser à ça aux petites filles, arrêtez de leur offrir des licornes. C'est terrible comme idée. Je pense que, plus sérieusement, que pour avancer, il va falloir qu'on continue à avancer sur ce terrain-là. C'est l'égalité dans l'éducation de nos enfants. Et que si les mères d'aujourd'hui et les pères d'aujourd'hui permettent aux garçons aussi d'avoir des journaux intimes, de pouvoir parler de leurs émotions, de leur offrir des requins et des dinosaures sur leur t-shirt, qui est une question sociétale, bien sûr. Oui. Et voilà, valoriser l'expression des émotions pour eux, on aura des hommes plus sensibles, plus empathiques, et on peut espérer que les violences conjugales diminueront. Et la question de la répartition aussi de l'espace dans les cours de récré, je sais que ça évolue, c'est une bonne chose, que les filles ne soient pas cantonnées à une place passive à regarder les garçons jouer au foot. Maintenant, j'ai entendu qu'il y a quand même un turnover pour l'espace, la répartition de l'espace dans les cours de récré. Je pense que c'est un bon début et que si les petites filles ont le droit aussi d'être agressives en direct, ont le droit de les exprimer avec des mots, plus qu'aujourd'hui, et qu'on ne valorise pas le fait qu'elles soient sensibles, mignonnes et empathiques, on va avancer. Et je peux aussi rajouter, pareil pour les cadeaux, des Legos pour devenir soignante ou une jolie mariée, il faut arrêter aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, parce qu'il faut prendre conscience, je pense, ouais, on peut le dire et répéter, c'est qu'on est, dès notre plus jeune âge, dès notre naissance, en fait, on est formaté. Et c'est comme ça qu'on en arrive malheureusement à un rôle pour la femme et un rôle pour l'homme. Oui, il y a nombreuses études qui sont faites sur cette question-là. Et on verra que dès même les premiers mois, dans le vocabulaire, on va interpréter certains comportements, comme que le garçon est déjà combatif, il en veut, et que la petite fille est très sensible. Voilà. Et c'est très là, ces représentations-là, et forcément, elles se renforcent. Et l'enfant veut répondre à ce à quoi on attend. C'est quand même assez normal. Et on voit que ça enferme beaucoup. Et comme je suis aussi des hommes aussi auteurs de violences, il faut savoir que c'est un chemin qui est possible de déconstruire ça et d'avancer et trouver sa propre sensibilité. Parce que ça crée aussi beaucoup de souffrance pour les auteurs de violences et qui peuvent être aidés, même s'ils ont honte, même s'ils ne sont, ils comprennent pas trop ce qui leur arrive, ils peuvent tout à fait arriver à déconstruire ce qui se passe, et peut-être ils vont nommer qu'ils pètent les plombs, que c'est compliqué pour eux, ou que c'est pas leur faute, mais en fait, ils sont responsables de leurs actes, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils peuvent être aidés, et que peut-être qu'ils ont... Parfois, ils ont subi beaucoup, ou parfois, ils sont enfermés dans un rôle qui ne leur convient pas et qui leur fait violence. Donc, il ne faut pas rester seul avec ça. Mais je répète que la violence est punie par la loi et que chaque adulte est responsable de ses actes. C'est aussi important de le rappeler. Ah oui, complètement. Alors, je continue sur la découverte de Caroline. Est-ce que vous pouvez me citer trois caractéristiques qui vous sont propres? Alors, ça peut être vous qui ressentez ça ou vos amis. Qu'est-ce que vous disent vos amis? J'anticipe beaucoup. Donc, je fonctionne beaucoup avec les plannings et j'aime bien programmer, avoir des projets plutôt festifs, de travail aussi. Mais ça me plaît bien d'avoir des projets de rencontres sympathiques. Donc, le planning. Et puis, je suis très fiable. Donc, c'est sûr que quand j'ai dit que j'ai fait faire quelque chose, il faut vraiment que je sois en piteux état. Et souvent, je n'annule pas malgré moi. C'est un de mes défauts de mettre la limite parfois là où il faut. Et donc, c'est vrai que j'ai à cœur d'honorer mes engagements. Et le troisième, j'aime bien faire la fête. Ah oui. Et alors, pour terminer, une dernière question, enfin deux dernières questions. Est-ce que vous avez déjà écrit une lettre d'amour? Bien entendu. Et si vous deviez vous écrire une lettre d'amour, qu'est-ce que vous vous écririez? Il faudrait être toujours plus gentil avec soi-même, je crois. Qu'est-ce que je m'écrirais? Continue à avancer, ma grande. Et c'est ça, c'est d'arriver à s'accepter, je pense, comme on est. Et je pense que ça fait partie de la question aussi qui nous fait nous rencontrer aujourd'hui, la question du couple. Et dans le couple, on cherche aussi une part de nous-mêmes. Donc, peut-être quand on la trouve, on s'améliore dans nos rencontres aussi. Oui, on se complète et un couple, oui, je pense que chacun aide l'autre à évoluer. Oui, et parfois, on peut être attiré par certains profils qui ne nous font pas du bien. Et dans ce cas-là, un travail personnel aussi permet d'avancer sur soi. Sur son bien-être. Permet d'avancer sur soi et sur son bien-être pour être mieux accompagné. Merci Caroline. Alors, je rappelle, vous êtes donc l'autrice de « Au risque de basculer », que l'on peut trouver donc dans toutes les librairies. Et je rappelle également la journée du 25 novembre où il y aura plein d'événements pour faire prendre conscience que beaucoup de femmes subissent des violences, malheureusement. Et certains hommes aussi. C'est vrai qu'on parle des femmes, mais c'est vrai qu'il y a des hommes aussi. C'est des fonctionnements de couple. Il y a aussi des couples homosexuels. Et puis, il y a aussi des hommes qui sont maltraités par leur conjointe. En tous les cas, c'est des fonctionnements de couple qui demandent de l'aide. Merci Caroline. Merci à vous Catherine.